two of us can get together. There's nothing sweeter, finer. When it's nice and cold, I can hold my baby closer. Yes, closer to me. And collect them fine kisses that are due me. I love the winter weather because I got my love to keep me warm. So warm, so nice and warm. Yeah. Arc-en-ciel, arc-en-ciel. Vous écoutez Arc-en-ciel, il est 17h. C'est la vie comme elle va. Le mercredi de 17h à 18h. Des histoires, des récits, des témoignages, de la poésie, du mystère, de l'émotion. La vie, quoi. La vie comme elle va. Une émission pour ceux qui aiment lire, sortir, découvrir. La vie comme elle va, le mercredi de 17h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel. Bonjour à tous, bonjour, c'est avec plaisir que nous vous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission La vie comme elle va. Pendant une heure, nous allons vous parler des livres que l'on aime, que l'on a envie de vous conseiller. Alors aujourd'hui, nous sommes en trio. Absolument. Parce que ça doit être l'effet grève. Oui, ou peut-être qu'il n'a pas fait ses courses de Noël, on va donc savoir. Il est peut-être bloqué dans les embouteillages. Donc aujourd'hui, il est parti chercher ses commandes du Black Friday. Aujourd'hui, l'émission se fera avec Eliane. Salut Eliane, bonjour, toujours Irène, fidèle. Bonjour à tous. JP, notre JP national. Salut les filles. Bonjour le gars. Et donc moi-même, le trio de choc pour... Moi-même, Eliane. Voilà. Non, moi-même, Irène. Et donc, aujourd'hui, on va vous faire voyager. Nous commencerons par Eliane, qui vous emmènera en compagnie de Sylvain Tesson dans un voyage au Tibet. Ensuite, c'est moi qui vous emmènerai, avec un tueur, en Algérie. Nous ferons un saut dans le temps. Et puis ensuite, Eliane nous emmènera au plus profond de la forêt suédoise. Eh oui. Mais entre-temps, nous aurons le temps de faire un détour par les châteaux de la Loire. Mmh. Et puis, nous retrouverons dans notre séquence Souvenir un duo d'Eliane avec James pour un extrait de Moi, je crois pas. Ouais. Et pour finir, comme d'habitude, quelques conseils de sortie, mais je vous propose sans plus attendre de partir au Tibet. Oui. Et c'est Eliane donc qui nous y entraîne. Oui, je vais donc vous parler de La Panthère des neiges de Sylvain Tesson. Qui, entre parenthèses, a eu le prix Renaudot. Oui, c'est vrai que l'écriture de Sylvain Tesson, c'est un vrai régal. Alors bien sûr, il ne peut pas s'empêcher de faire des citations d'auteurs, ça c'est sûr, de donner des références. Mais lire une belle plume est vraiment un bonheur sans limite. L'histoire de ce livre, qui a eu donc le Renaudot cette année, est cette attente dans le froid, la nature hostile, l'attente d'apercevoir la panthère des neiges. Ça a dû être terrible pour Sylvain Tesson qui ne reste pas en place, qui est tout le temps en train tout de bouger. Et justement, il s'est laissé prendre mm-hmm. par cette... D'un seul coup, il a compris que ne pas bouger, c'était bien aussi. Et alors, un jour, Munier, qui fait des photographies d'animaux, lui dit « Hé, Tesson, je poursuis une bête depuis 6 ans. Elle se cache sur les plateaux du Tibet. J'y retourne cet hiver, je t'emmène ?»« Bah, qui est-ce ?»« Bah, la panthère des neiges, une ombre magique. » »« Je pensais qu'elle avait disparu, » dit Sylvain Tesson. « C'est ce qu'elle fait croire. » Vous voyez, ça commence comme ça. Et puis, justement, quand ils sont... Quand ils passent dans leur cabane, là, dans le Tibet, il fait quand même très froid. Hein. Ils améliorent l'ordinaire, ils luttent contre les courants d'air en bouchant des trous. Chaque matin, nous quittions les lieux avant le lever du soleil. C'était la même souffrance de s'extirper du sac de couchage dans le noir et la même jouissance de se mettre en marche. Un quart d'heure d'effort suffit toujours à ranimer un corps dans cette chambre froide. Avec Léo et Marie, c'est les gens qui les accompagnaient, nous suivions Munier qui suivait les bêtes. Parfois, sur son ordre, nous nous embusquions derrière le fil de la dune et attendions les antilopes. Les dunes, les antilopes, disait Marie, un vocabulaire africain. Ce pays est un Éden, climatisé. Le soleil brillait mais ne réchauffait rien. Ce jour-là, j'ai forgé mon destin, dit Munier. Voir les bêtes, les attendre. Dès lors, il avait passé plus de temps allongé derrière les souches que sur les bancs de l'école. Son père ne l'avait pas trop forcé. Il n'avait pas eu son bac. Il gagnait sa vie sur les chantiers jusqu'à ce que ses photographies soient couronnées. Un jour, ils ont vu des yaks. Un yak est un seigneur. Je me fiche qu'il ait dégluti 12 fois ce matin, répondit Munier. Parce que Tesson se moquait un peu de cette grosse bête qui ne faisait que manger des petits brins d'herbe. Il avait toujours l'air de couver avec mélancolie. Il n'élevait jamais le ton pour ne pas effrayer les niverolles que l'on voyait. Et puis ça continue, il fait toujours plus froid, il monte toujours plus haut. Et puis un jour, ce qui est justement intéressant, c'est l'espace-temps qui change surtout pour Tesson. L'année dernière, raconta Munier, je désespérais de voir la panthère. J'étais en train de replier mon affût quand un grand corbeau donna l'alerte sur la crête. Je restais pour l'observer et soudain, la panthère apparut. Le corbeau me l'avait signalé. Oh, par quel étrange mouvement de l'âme en arrive-t-on à tirer une balle dans la tête d'un être pareil, dit Marie. L'amour de la nature est l'argument des chasseurs, dit Munier. Faut-il laisser les chasseurs entrer au musée, dis-je. Par amour de l'art, ils lacéraient un Velasquez. Mais par amour d'eux-mêmes, étrangement, ils sont peu nombreux à se tirer une balle dans la bouche. Ils veulent bien tirer sur des animaux qui sont en voie de disparition, mais voilà. Et puis, un jour, ils l'ont vu, la panthère. Ce matin-là, l'attaque échoua. Une chèvre bleue détecta la panthère et sa convulsion alerta l'ensemble du troupeau. À ma surprise, les caprins ne s'enfuirent pas, mais se tournèrent vers le fauve, de face, pour lui signifier que l'approche était éventée. Surveiller la menace protégeait le groupe. Leçon donnée par les chèvres bleues. Le pire ennemi est celui qui se cache. Panthère démasquée, fin de partie. Elle traversa le vallon sous l'œil des barrales, qui, sans la lâcher du regard, se contentait de reculer de quelques dizaines de mètres pour la laisser passer. Si le fauve faisait un seul mouvement, les herbivores s'égailleraient dans les pierriers. L'once fendit le groupe, grimpa dans les blocs, gagna à l'arête, apparut encore une fois, découpé dans le ciel, puis disparut de l'autre côté de la crête. Alors Léo, qui était à 1 kilomètre de nos postes, dans un plissement du nord, la prit dans sa lunette, comme si nous nous confions le témoin. Dans la radio, il chuchota des bribes de phrases pour nous tenir au courant. « Elle est sur la ligne de crête. Elle descend le long de la paroi. Elle traverse le vallon. Elle se couche, repart. Elle monte sur l'autre rive. » Et c'est comme ça presque tous les jours. Et ce qui est extraordinaire chez Tesson, qui est cet homme qui bougeait tout le temps, bien sûr, lui, quand il monte sur ses chemins du Tibet, il ne porte rien. Son corps ne lui permet pas. C'est les autres qui sont chargés et tout. Mais D'un seul coup, il comprend que regarder quelque chose sans bouger, c'est très, très, très bien. Et puis, d'avoir vu la panthère, lui fait repenser à cette femme qu'il a aimée, qu'il a laissée, à cette vie qu'il a eue. Et puis petit à petit, il trouve un certain équilibre. Et si d'abord, ce livre, il est très, très bien écrit. Mais c'est vrai qu'il ne se passe rien. On est toujours en attente. Mais c'est tellement bien écrit que ça se lit avec un bonheur rare, vraiment. Donc, si vous ne voulez pas aller jusqu'au Tibet pour voir la Panthère des Neiges, lisez le livre de Sylvain Tesson. Vous ferez vraiment un très, très beau voyage. Surtout un voyage intérieur, tout compte fait. Surtout ça. Oui, je crois que ça a été l'occasion pour lui. Bon, il faut rappeler que Sylvain Tesson a eu un très grave accident, qu'il a failli y perdre la vie. Donc, ce qui explique que maintenant, il est affaibli du point de vue physique. Mais enfin, il a sacrément repris du poil de la bête, si j'ose dire. Oui. Et moi, j'avoue que j'avais eu une crainte après la chute qu'il a faite, qu'il n'ait plus la même écriture, qu'il ne soit plus le personnage que l'on connaissait, l'auteur que l'on connaissait. Mais là, c'est vraiment... Et justement, ce qui est très drôle, c'est que quand il est au Tibet, là, il repense à ce qu'il faisait dans les calanques de cassis. Il observait les goélands et il se demandait... Les bêtes regardent-elles le paysage ? Il n'était jamais sale, pas de plastron immaculé, elle nacrée. Alors, appelons au sens du beau la conviction jouissive de se sentir en vie. La panthère alternait entre les campagnes carnassières et ses siestes délicieuses. Une fois rassasiée, elle s'étendait sur les dalles de calcaire. Je la soupçonnais de rêver à des plats, à des plaines de viande fumante disposées pour elle, où elle n'aurait plus qu'à bondir pour gagner sa part. Parce qu'en fait, une fois qu'elle était rassasiée, elle ne bougeait plus. Elle ne bougeait plus. Et alors, ce qu'il a appris aussi, c'est de tous ces animaux qui vivent dans ces hauteurs-là, les yaks, ils ont une... Comme s'ils avaient compris ce que c'est que la vie. Ils savaient, de toute façon, il y en aurait un ou deux qui seraient attrapés, mais ce n'est pas grave. Ils étaient... Voilà. Et surtout, il a appris beaucoup avec ses petits-enfants là, qui s'occupent des troupeaux de yaks qui sont... C'est extraordinaire. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on n'est pas dans le monde que l'on connaît, nous. Mm-hmm. En plus, moins 30, moins 25, moins 30, tout le temps. Hein? Mais bon, c'est comme ça. On s'engourdit. Mais non, on ne s'engourdit pas. Et on est plein d'enthousiasme pour lire « La panthère des neiges » de Sylvain Tesson. La vie comme elle va, le mercredi de 17h à 18h. Sur Radio Arc-en-Ciel. À vous mes amis, je vous écris bien loin de vous. Juste parce qu'ici je nage dans mes vieux souvenirs. Non pas que je m'ennuie, mais le temps passe et je pense à vous. Juste au détour de vos belles bouilles, de nostalgie je soupire. C'est que la vie nous éloigne, au bout de nos unions bénies. Des amours qui nous séparent, sur les chemins de nos destins. Sans même un instant se croiser. Au final, c'est bien l'essentiel. Nos liens fraternels sont figés. On ne voit rien qu'avec le cœur. Quand on se revoit, mon ami, sous les étreintes de bonheur. On se souvient de nos belles heures. On est juste amis pour la vie, juste un remède à nos malheurs. À vous, mes amis, si on s'est perdu depuis longtemps. Des albums de clichés viennent murmurer à ma mémoire. Je revois des rires, si peu de larmes, des tranches de vie si souvent. Invincible amitié, jadis, nos indicibles histoires. C'est que la vie nous accable. Cent fois on aurait pu mourir, sans jamais connaître la gloire. Sur les sentiers de la providence, toujours unis depuis l'enfance. Au final, fiers de nos secrets, qui auront scellé notre amitié. On ne voit rien qu'avec le cœur. Quand on se revoit, mon ami, sous les étreintes de bonheur. On se souvient de nos belles heures. On est juste amis pour la vie, juste un remède à nos malheurs. On ne voit rien qu'avec le cœur. À vous mes copains, quand nous jouions les trublions, on se croyait beau devant les belles. Et rebelle devant les barbeaux. Aujourd'hui quand je bois du noir, je pense à vous, joyeux luron. Dans ma tête, juste un mémorial. À nos faits d'armes comme des héros. on ne voit bien qu'avec le cœur. Quand on se revoit, mon ami, sous les étreintes de bonheur, on se souvient. Avec le cœur, quand on se revoit, mon ami, sous les étreintes de bonheur, on se souvient de nos belles heures. On est juste amis pour la vie, juste un remède à nos malheurs. On ne voit bien qu'avec le cœur. C'est bien vrai, ça, on ne voit bien qu'avec le cœur. C'est, ah, bah c'est sûr. C'est là où on voit le mieux. Eh bien, moi, je vais vous entraîner avec Thierry Crouzet, qui est un journaliste et dont Mon père, ce tueur est le premier roman. Je vais vous entraîner en Algérie. Thierry Crouzet dit qu'il a toujours eu peur de son père parce qu'il savait qu'il avait déjà tué au cours de la guerre d'Algérie et qu'il était persuadé qu'il pouvait recommencer. Et donc, même devenu adulte, il a toujours eu peur de son père. Et ça, c'était à cause d'un épisode qui s'est passé en l'été 78, c'était l'été de la canicule. Et donc, sa mère avait menacé de quitter son père. Et donc, sa mère... Ma mère montait seule au front, s'attaquant du haut de son 1m60 à Jim. Jim, c'est son père. Un colosse, un grand blond aux yeux bleus, larges épaules, immenses mains. Un Suédois né par erreur dans le midi de la France, fils unique de parents eux-mêmes méridionaux, qu'il avait vénéré et lui avait passé tous ses caprices au point de le transformer en une divinité toute puissante. « Je pars !» lui a lancé ma mère pour la centième fois. Tremblant de rage, il s'est levé, il a couru vers le garage où il rangeait alors ses armes avant de revenir avec son 5 coups. « Si c'est comme ça, je vous flingue tous. » Et donc, Thierry Crouzet a toujours eu peur de ce père. Bon, cette fois-là, il ne le fera pas, mais il aurait pu. Et à telle enseigne qu'après cet épisode... Chaque fois qu'il dormait à la maison, y compris quand il était devenu adulte, il bloquait la porte avec une chaise, tant il avait peur que son père ne passe à l'acte. Et puis il a essayé de se raisonner, mais rien ne passait. Il n'arrivait pas à être en phase avec ce père, qui donc était en plus chasseur. Oui, il avait l'air d'aimer ça, tuer. Et d'ailleurs, il le dit à un moment donné, dans le livre, qu'il était capable d'aligner les animaux qu'il tuait, les oiseaux. Enfin, il allait à la chasse, il allait à la pêche. Il avait l'air d'y trouver un plaisir incroyable, mais le plaisir de tuer. Et son père a fini par mourir et... Il lui a laissé une lettre. Et pendant 3 ans, Thierry Crouzet n'a pas pu ouvrir cette lettre. Il avait peur de ce qu'il allait y lire. Et il avait d'autant plus peur qu'il sentait en lui cette même violence qui lui faisait peur chez son père. Et il se disait, peut-être qu'il m'a transmis quelque chose. Et puis en réfléchissant, il s'est dit que si... Lui ne voulait pas transmettre cette violence qu'il sentait en lui et qu'il essayait de canaliser. S'il ne voulait pas la transmettre, il avait intérêt à comprendre d'où venait cette violence. Et il va faire une enquête. C'est un journaliste, un reporter, donc il va enquêter sur son père, essayer de comprendre pourquoi cet homme est devenu un tueur. Et il va se rendre compte que tout s'explique avec la guerre d'Algérie. Son père a été un soldat de la guerre d'Algérie, mais pas quelqu'un qui était dans l'armée, qui avait fait le choix d'être dans l'armée. C'était un appelé. Il n'a pas eu le choix de se dérober, donc il est allé en Algérie, et c'est en Algérie qu'il s'est passé quelque chose. Ma grand-mère aurait dit, avant son départ, c'était un agneau. À son retour, c'était un lion. Jim se met à chasser avec plus de détermination. Il part de plus en plus loin à la poursuite du gibier et il rencontre d'autres guerriers qui ont goûté au sang des hommes et à qui la chasse sert d'exutoire. Je ne peux expliquer autrement leur barbarie. Leurs ancêtres n'étaient pas des massacreurs. Ils tuaient ce qui leur était nécessaire pour vivre. La chasse était pour eux un plaisir utile. Pour Jim, elle était devenue un culte noir. La semaine, avec nous, il jouait son rôle de père et de mari. Le week-end, il se transformait en adorateur d'une déesse païenne. On dit des violeurs d'enfants qu'ils ont souvent été abusés dans leur jeunesse. Il en va peut-être de même pour les tueurs qui, lorsqu'ils ont tué, ne peuvent s'empêcher de recommencer. La chasse extrême, comme la pratiquait Jim, libère leur énergie négative. Bientôt, l'odeur de la poudre et le bruit des armes se confondent à l'odeur du sang. Tirer suffit à apaiser le désir de meurtre. En un week-end, au Maroc, Jim était capable d'abattre 2000 tourterelles, tirant jusqu'à ce que le canon du fusil rougisse, épaulant alors son second fusil pour laisser refroidir le premier. Cette chasse sans nom n'était qu'un exorcisme assez commun chez les anciens soldats, d'après ce que je découvre dans les témoignages des vétérans du Vietnam, des guerres du Golfe et d'Irak. En voulant m'initier à la chasse, Jim a tenté de me proposer sa solution pour endiguer ma violence congénitale. Je n'ai pas voulu de sa médication. J'en ai adopté une autre, l'écriture. Si la plupart des auteurs commencent leur carrière par régler leur compte avec leur passé, moi, j'ai écrit pour nier ce passé. J'ai parlé de tout, sauf de mes mauvaises expériences. J'écrivais pour survivre, pour enterrer le monstre en moi. Il aura fallu 30 ans de lutte avant que j'ose écrire sur mon père. Et donc, il va faire des recherches, il va prendre contact avec des gens qui ont fait la guerre d'Algérie. Il va lire des comptes rendus de soldats qui ont connu son père. Et petit à petit, il va restituer ce qui s'est passé. Et en effet, Jim, ainsi qu'il a été surnommé quand il était soldat, était un homme qui aimait la nature, qui aimait la chasse, la pêche, mais sans plus. Mm-hmm. Et après cette guerre d'Algérie, où il a été très vite identifié comme un excellent tireur. Il est devenu un tireur d'élite très recherché. Et puis on l'a embringué dans des opérations commando où il n'aurait pas dû être en tant qu'appelé. Et à un moment donné, eh bien, il va être amené à tuer. Et il le refusait de tout son être, mais la situation dans laquelle il s'est retrouvé a fait que c'était lui ou l'autre et il aura tiré. Et petit à petit, il a tué une dizaine de personnes au cours de cette guerre et peut-être plus. Il va aimer ça. Et c'est terrible. Et c'est ce que disent également les soldats des autres guerres. Et l'auteur comprend ce qui est arrivé à son père. Il n'était pas comme ça d'origine, c'est la guerre d'Algérie qui l'a rendu ainsi. Et il va l'expliquer dans sa lettre ? Ah, mais la lettre, on ne la lira pas. Ah, d'accord. En fait, ce livre, c'est tout le processus qui permettra à l'auteur, qui était totalement dans le refus d'ouvrir cette lettre, à la fin, il est prêt à l'ouvrir et à affronter ce que son père lui a écrit. Oui, il a carrément fait un reportage. Oui, chercher. C'est extrêmement bien écrit. Et on comprend à travers donc, les différentes recherches qu'a pu faire Thierry Crouzet, eh bien que son père donc, a été modelé de façon quand même assez sauvage, et qu'il souffrait du fameux syndrome post-traumatique. Mm-hmm. Mais à l'époque... On n'en parlait pas de ça. On n'en parlait pas, on ne le reconnaissait pas. C'est maintenant qu'on a pris la mesure de la souffrance de ceux qui ont fait la guerre, souvent contre leur propre gré. C'est-à-dire, moins tu étais disposé à la faire, plus grands seront les dégâts consécutifs à cette guerre. Et ce livre, Mon père, ce tueur, bon, c'est un livre qui n'est pas très long, les chapitres sont assez courts. Ça se lit d'une traite. De toute façon, on ne peut pas s'arrêter. Mm-hmm. Très clairement, on a envie de savoir. Et donc, les 216 pages, elles filent. Elles sont avalées sans problème. Oui, oui. Et on est avec ce père. On comprend sa douleur. Et on est heureux que le fils ait réussi à faire ce chemin. Comme il le dit lui-même, dommage, il le fait après la mort de son père. Mais il fait ce chemin, il comprend ce qui est arrivé à son père et il ouvrira la lettre. Mais la lettre, on la lira pas. Nous ne saurons pas ce qu'elle contient. Alors c'est rude, c'est une lecture qui est quand même assez difficile. On y parle de la torture lors de la guerre d'Algérie, on y parle... d'exaction, mais pour l'essentiel, c'est vraiment une analyse psychologique mm-hmm. des effets de la guerre sur un personne. Être humain. Mm. Et finalement, c'est un réquisitoire contre la guerre. D'accord. Et ça, c'est vraiment un grand moment. Et je pense que on peut, même en cette période de fête, lire ce livre. Mon père, ce tueur, de Thierry Crouzet. On s'aimait, on riait, on s'embrassait en ville. On trouvait que l'amour c'était facile. On s'aimait, on s'aimait. En forêt, on s'embrassait aussi. Et nos vies étaient comme adoucies. On s'aimait. On s'aimait, embarqué sur son beau lit bateau, on explorait des pays nouveaux. On s'aimait, on s'aimait, on s'envoyait à travers la figure, des verres d'eau, des mots, des épluchures. On s'aimait, on vivait sur une île égoïste, et on était indépendantiste. On s'aimait, on s'aimait, on avait liquidé le surplus, nos familles on les voyait plus. On s'aimait. On s'aimait, on trouvait que tout allait bien, même si sur notre compte y avait rien. On riait, heureux de ce que nous avions, comme James Brown devant son avion. On s'aimait, on s'aimait, mais on se le disait pas. Ceux qui se le disent, c'est qu'ils s'aiment pas. On s'aimait, on s'aimait. Et puis la vie avec son rouleau, la vie avec son rouleau. La

Azay, le Lude, Amboise. Et moi, j'en connais un dans les châteaux de Loire qui s'élève plus haut que le château de Blois, plus haut que la terrasse où les derniers Valois regardaient le soleil se coucher dans sa gloire. La moulure est plus fine et l'arceau plus léger. La dentelle de pierre est plus dure et plus grave. La décence et l'honneur et la mort qui s'y gravent ont inscrit leur histoire au cœur de ce verger. Et c'est le souvenir qu'a laissé sur ses bords une enfant qui menait son cheval vers le fleuve. Son âme était récente et sa cote était neuve. Innocente, elle allait vers le plus grand des sorts. Car celle qui venait du pays Tourangeau, c'était la même enfant qui, quelques jours plus tard, gouvernant d'un seul mot le rustre et le soudard, descendait de vers Main ou montait vers Jargeau. Eh bien, pour le plaisir, avec Gênes, nous avons trouvé encore un extrait de Grimbert. Vous savez, c'est vraiment une mine, ce livre-là. On s'en lasse pas. On ne s'en lasse pas. Ça s'appelle donc Le fruit du hasard. Oh, je te cause, là. Pardon? Tu dors? Pas du tout. Je te cause et toi, tu dors. Oh, j'étais dans mes pensées. Où, tu dis? Dans mes pensées. Et tu pensais à quoi? Bah, des choses, justement. Et quel genre? Oh, tu m'embêtes à la fin. Des choses honteuses. Je ne suis pas comme ça. Mais qu'est-ce que tu crois? Mais justement, je crois pas. Ça, je suis au courant, merci. Je crois pas que t'étais dans tes pensées. Mais où j'étais alors? Dans les bras de Morphée. Je te dis que je ne suis pas comme ça. Ouais, laisse tomber. Oh, ça suffit à la fin. Je disais donc... Bon, j'ai mal aux pieds si tu veux savoir. Comme c'est intéressant. N'est-ce pas? Donc, je disais... Et quand j'ai mal aux pieds, je pense à mes pieds. Et tu penses quoi de tes pieds? Bah, ça dépend des moments. Présentement? Je me demande si je dois les tremper dans l'eau salée. Salée? Avec du gros sel, oui. Pourquoi faire? Les délasser. Moi, je crois pas. Que je dois me tremper les pieds? Que le gros sel délasse. Oh, le gros sel sec, non. Mais dissous, oui. Il n'y a que la foi qui sauve. Je te le fais pas dire. Le jour où tu me feras dire quelque chose que je ne veux pas dire... Tu disais quoi? À quel propos? Est-ce que je sais, moi? Tu me coupes avec tes pieds salés et après tu me demandes ce que je disais. Ça devait être vachement important. Vachement, oui. Vas-y alors, je suis tout oui. Ah! Voilà! Voilà ce que je voulais dire. Je crois pas que tout soit le fruit du hasard. Tout ça quoi? Ben tout. Ah, moi je crois. Tu crois? Je crois que tout a été voulu, oui. Prémédité? Oui, voilà, prémédité. Bah, tu penses comme moi? Pas du tout, la preuve. Quelle preuve? Moi, je crois et toi, tu ne crois pas. Je crois pas que tout soit le fruit du hasard, oui? Eh bien, moi, je crois que tout a été conçu. T'es conne? C'est toi qui es con. Bah, écoute-moi quand je te cause. Mais pourquoi je t'écouterais? Tu dis toujours la même chose. Mais là, je dis comme toi. Ah non, moi, je dis je crois et toi, tu dis je crois pas. Bah, t'es trop conne à la fin. Je crois pas. Ah! Nous y voilà. Je crois pas que je sois trop conne. Je crois que c'est toi qui es trop con pour reconnaître que c'est toi qui es con. Bon. Bah, où tu vas? Promener le chien. Bah, on n'a pas de chien. Bah, justement. Justement quoi? Il sort jamais. Oh, mais qu'est-ce que tu me chantes? Tiens. Tiens, tu vois, il veut sortir. Mais reviens à plus d'heures et tu passeras la nuit sur le paillasson avec ton chien. Je m'en fous, j'ai mes clés. Eh bien, je fermerai le verrou de l'intérieur. Ah, tu vois, il est content de sortir, pépère. Il est fait faire ses petits besoins. Bon, ben moi, je regarde la télé. Hein. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Que ce soit dimanche ou lundi, soir ou matin, minuit, midi, dans l'enfer ou le paradis, les amours aux amours ressemblent. C'était hier que je t'ai dit, nous dormirons ensemble. C'était hier et c'est demain. Je n'ai plus que toi de chemin. J'ai mis mon cœur entre tes mains. Avec le tien, comme il va l'en bleu. Tout ce qu'il a de temps humain. Nous dormirons ensemble. Mon amour, ce qui fut, sera. Le ciel est sur nous comme un drap. J'ai refermé sur toi mes bras. Et tant je t'aime que j'en tremble. Aussi longtemps que tu voudras, nous dormirons ensemble. Attendez une minute. Vous soupçonnez qui? Aucun d'entre eux. Tous. L'énigme restera entière. Tu ne connais pas les membres de ma famille. Tu n'as pas idée de quoi ils sont capables. C'est monstrueux. Côté polar. Eliane nous emmène en Suède. Ah, dans une profonde forêt où on a fait une découverte macabre. C'est surtout les choses qui reviennent. Parce que ce livre, qui est un vrai pavé, 777 pages, avec une foultitude de personnages très compliqués à raconter. Mais je vais vous lire la quatrième de couverture, ça va vous nous mettre tout de suite dans l'ambiance de ce livre. Une petite fille de 4 ans est retrouvée assassinée dans la forêt, sous un tronc d'arbre. Fait troublant. La fillette gisait à l'endroit où, 30 ans plus tôt, avait été découvert le corps sans vie de Stella, une enfant du même âge, qui habitait la même ferme que la défunte actuelle. Et à l'époque, deux adolescentes, Marie et Hélène, avait été condamnée pour ce meurtre. Désormais mariée à un militaire autoritaire et psychopathe, Hélène mène une vie recluse, non loin de la ferme, dans l'ombre des crimes passés. La belle Marie, elle est devenue une star du cinéma à Hollywood. Et pour la première fois depuis la tragédie, elle revient dans ce village pour le tournage d'un film. Cette coïncidence et les similitudes entre les deux affaires sont trop importantes pour que Patrick Holmström et son équipe puissent les ignorer. De son côté, il y a Erika Falk qui écrit un livre sur cette histoire. Elle va interviewer Marie, elle va interviewer Hélène sur l'affaire de Stella. Et il y a une découverte qui la trouble profondément. Juste avant son suicide, le policier responsable de l'enquête à l'époque du crime de Stella, s'était mis à douter de la culpabilité des deux adolescentes. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Et alors, c'est incroyable ce livre. Parce qu'en fait, ces deux adolescentes, elles se sont bien occupées de la petite Stella. Et puis c'est passé, voilà. Et elles ont dit comme ça, c'est elle. Puis après, elles ont dit que c'était pas elle. Puis après, elles ont redit que c'était elle, puis c'était pas elle. Voilà, c'était pas simple. L'adolescence, c'est toujours compliqué. Voilà. Alors, justement, Hélène, elle parle d'elle. Bon, elle est installée dans le coin. Elle n'est pas très heureuse. 30 ans avaient passé. James et elle avaient mené une vie paisible et discrète. Et elle savait que c'était ce que voulait James. Et ils finiront par arrêter de jaser, disait-il. Puisque les gens, ils ont forcément jasé. Et il avait raison. Leurs heures sombres étaient rapidement passées. Il avait suffi qu'elle sache mener sa barque. Quant aux souvenirs, elle avait su les refouler. Jusqu'à aujourd'hui. les images comme des flashs, le visage de Marie devant elle et le sourire de Stella. Hélène tourna à nouveau le regard vers la mer, essaya de suivre des yeux les rares vagues, mais les images refusaient de lâcher prise. Marie était de retour et avec elle, la catastrophe. Ça commence comme ça. Et puis elles là, avaient été condamnées, les deux ados, ou pas? Eh bien, c'est-à-dire, le problème, c'est qu'il y en a une qui a été plus condamnée que l'autre, si on veut dire, parce qu'il y en a une qui a été mise dans une, qui a été enlevée à sa famille, et puis l'autre qui est restée, parce que Hélène est restée dans le coin. C'est Marie qui a le plus payé, mais en fin de compte, c'était très... Elles étaient jeunes, hein, à l'époque. Mm-hmm. C'était... Voilà. Et alors là, on arrive dans la ferme où il va se passer ce nouveau drame. Cette petite fille, cette fois, elle s'appelle Néa. Elle s'appelait Linéa, mais comme elle était petite, elle disait toujours Néa, c'est moi. Et il avait été naturel pour Eva et Peter, ses parents, de dire comme elle. Elle avait maintenant 4 ans, avec un caractère si affirmé et têtu qu'Eva redoutait son adolescence. Mais Peter et elle ne semblaient pas partis pour avoir d'autres enfants. Au moins, ils pourraient accorder toutes leurs attentions à Néa, le moment venu. Pour l'heure, cela paraissait encore très éloigné. Néa galopait partout comme une petite boule d'énergie, les cheveux blonds qu'elle avait hérités d'Eva comme un nuage autour de son visage clair. Eva avait toujours peur qu'elle attrape un coup de soleil, mais cela ne semblait que multiplier ses taches de rousseur. Et ce jour-là, Peter entra dans la cour de ferme. « Salut chérie !» dit Eva quand il eut coupé le moteur. Son cœur s'emballa en voyant son sourire. Après toutes ces années, ses genoux faiblissaient encore en le voyant. « Salut mon cœur, vous avez passé une bonne journée ?» Que voulait-il dire par « vous » ?« Et vous ?» se dépêcha-t-elle de répondre. « Qui ça, nous ?» dit Peter en lui donnant un baiser plein de sueur. Il regardait autour de lui. « Où est Néa ? Elle fait la sieste ?» Ses oreilles bourdonnèrent et très loin, Eva s'entendit dire « Je croyais qu'elle était avec toi. » Ils se regardèrent, tandis que le monde s'effondrait. Ce jour-là, Peter pensait que Néa restait avec sa mère et la maman pensait que Néa était partie avec son père. Et c'est ce jour-là qu'on va la retrouver. Donc, vous voyez, alors... Donc, c'est Hélène a eu un fils, Marie a une fille, mais ces deux enfants sont un peu étranges. Ils ne sont pas du tout comme les ados de leur âge. Mais ils se comprennent bien, tous les deux. Donc, dans la ferme de Berg, c'était le bonheur. Et maintenant, c'est la catastrophe. Puis, il y a cette famille d'émigrés syriens qui habitent pas loin, qui essayent de s'intégrer, qui essayent d'apprendre le suédois, mais ce n'est pas facile. Il y en a même un qui a été aidé, les gens, pour rechercher la petite Néa qui avait disparu. Et puis, il y a la méchanceté des jeunes. Et puis, il y a une histoire qui s'est déroulée en 1671. Ah, ça date pas d'hier. Voilà, et parce que ça s'est passé dans cette époque, dans ce coin-là. Et une femme qui avait perdu son mari, qui avait une petite fille, sa sœur, qui était mariée avec un pasteur, veut bien l'aider, mais très mal, n'est-ce pas? Et cette femme, elle est belle. Le pasteur la regarde différemment. Et elle va finir par se faire brûler en tant que sorcière. Et tout ça, ça va se... Voilà. Alors, si serait-il voulez, question d'une malédiction? Je pense bien. Parce que c'est assez... Ce que vont faire les jeunes, après, c'est assez affreux. Mais bon, après, on apprend que Hélène et Marie, en fin de compte, c'était deux jeunes adolescentes qui s'adoraient, qui s'aimaient vraiment. Et puis, la vie a fait ça. Enfin, en tout cas, ce livre, il est... On va de découverte en découverte. Il est... On met du temps à le lire. On se perd un peu, quelquefois. Mmh. Surtout avec ces chapitres qui se passent en 1671. Voilà, c'est... Mais il faut les lire, ces chapitres, parce que petit à petit, ça commence à... On comprend pourquoi il y a tout ça. Mais on a hâte de savoir la vérité, surtout du meurtre d'il y a 30 ans. Parce que la vérité du meurtre d'il y a 30 ans va certainement donner la clé du meurtre qui vient de se passer. Parce que par un hasard extraordinaire, c'est peut-être la même personne, mais pas celle que l'on croit. Mmh. En tout cas, c'est bien. C'est très, très dense, par contre. C'est pas un livre à lire le soir au lit. D'abord, il est trop lourd. Mais ce qui est bien, c'est de le lire un petit peu, le refermer, pas trop longtemps, pas avec trop d'espace, parce qu'après, on ne sait plus de quoi ça parle. Mais vraiment, on est pris par l'histoire. Vraiment. Mm-hmm. Moi, j'ai bien aimé. Vraiment. Tu voyais, je l'ai lu au mois d'août. Et je... Et ça t'est resté. Oui, ça, mm-hmm. Tout à fait. Alors moi, j'ai une question pour toi, parce que donc c'est un livre dans une série. On retrouve le même enquêteur. C'est ça, n'a aucune mais importance. Est-ce que... Voilà, c'était ça le sens ma question. Est-ce qu'on peut le lire sans avoir lu les précédents? Tout à fait. Il n'y a rien qui manque. C'est sûr, on retrouve les mêmes. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est cette fille qui écrit sur cette histoire, qui va finir à faire parler Hélène et puis Marie, et puis qui va essayer de trouver d'autres pistes. Mm-hmm. Parce que c'est vrai que ce policier là qui s'est suicidé en disant qu'il pensait que c'était pas elle les coupables, il pensait de plus en plus, et puis il n'avait pas supporté certaines choses. Et donc il y a cette enquête parallèle à l'enquête actuelle. Et après, les deux enquêtes vont se télescoper. Donc c'est vraiment bien, hein, vraiment. Donc, pendant les vacances, quand vous aurez le temps, vous pouvez vous atteler à la lecture de La sorcière de Camilla Läckberg, recommandée par Eliane. La vie comme elle va, le mercredi de 17h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel. Avant de nous séparer, puisque malheureusement nous arrivons à la fin de l'émission, quelques conseils pour sortir. Le 14 décembre, vous pourriez aller à la passerelle avec vos enfants Et c'est un spectacle à partir de 3 ans, donc c'est pas souvent, donc il faut en profiter. Ce spectacle s'intitule Balbutie, Balbution, et c'est la compagnie Confiture et Compagnie qui présente ce spectacle. Et à l'issue de ce spectacle, ce concert pour les mômes, eh ben moi je vous conseille d'aller à la bibliothèque Les Jacobins. Parce que de 15h à 18h, ce même samedi 14 décembre, le Père Noël y fera escale. Et bonne nouvelle, la photo souvenir avec le Père Noël est offerte à tous les enfants. Et donc, eh bien, le Père Noël sera là avec la complicité du Bastringue, une compagnie de théâtre chère à notre cœur, à Fleury, et avec la complicité du CJF Audio Photo. C'est quand même sympa d'avoir une photo gratuite avec de ses enfants avec le Père Noël. Donc c'est de 15h à 18h samedi 14. Et profitez-en également pour aller voir l'exposition Mon beau sapin qui se déroule jusqu'au 24 décembre. À la bibliothèque, il s'agit d'une forêt poétique, décalée, qui a été réalisée par différents groupes et des particuliers. Et il s'agit donc d'un Noël un peu insolite. Mais c'est très très bien cette forêt. Oui, c'est oui, très, oui. Très bien. Vraiment, il y a des choses très très inventives. Vous pourrez même voter pour le sapin que vous considérez comme le plus beau. Voilà. Et puis, si vous n'avez pas encore pris vos places, je vous rappelle que jusqu'au 15 décembre, au cadeau, Richard Berry présente quatre grandes plaidoiries. C'est un retour sur de grands moments de justice. Il va évoquer l'affaire Courgeot, l'affaire Papon, l'affaire Ranucci. Moi, j'y vais le dernier jour. J'y vais le 15 décembre. Nous pourrons en reparler la semaine d'après. Oui. Non, ce sera trop tard. Ouais. Donc, n'hésitez pas. Jean-Pierre, avant de nous quitter, est-ce que tu peux nous donner les titres des chansons et des musiques que nous avons entendues aujourd'hui ? Alors, nous, bien sûr, on a eu Jean Ferrat, Nous dormions ensemble, c'était un grand classique. Et puis, on a eu Alain Souchon, sorti de son dernier album, On s'aimait. Très bel album, ça fait vraiment, je pense, un très très beau cadeau de Noël, ça. Et puis, on a eu d'autres petites nouveautés. La Dérive, en particulier, Nos belles heures. Et Nirman et Kali, Compagnons de lune. Je ne sais pas si c'est par le filon québécois que j'ai eu ce titre, mais c'est bien sympa. Alors, il nous reste à vous souhaiter de bonnes lectures, une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec nos deux Jean-Pierre. Et pour l'heure, je passe le relais à Violette pour traditionnel. Bye bye, au revoir, bonne semaine.